Chapitre 6e. Après que Mr. Jackson eut pris congé et que les dames furent montées se coucher, Newland Archer regagna son cabinet au deuxième étage. Une main vigilante avait, comme de coutume, entretenu le feu, préparé la lampe. La chambre, avec ses rangées de livres, ses murs où pendaient des reproductions de tableaux célèbres, sa cheminée drapée de velours rouge et garnie de statuettes d'escrimeurs, était accueillante et intime. Comme il se laissait choir dans son fauteuil près du feu, son regard tomba sur une grande photographie de May Welland que la jeune fille lui avait donnée au premier jour de leur idylle et qui remplaçait maintenant sur son bureau tous les autres portraits féminins dont il avait jadis été orné. Avec une sorte de terreur respectueuse, il contempla le front pur, les yeux sérieux, la bouche innocente et gaie de la jeune créature qui allait lui confier son âme. Ce produit redoutable du système social dont il faisait partie et auquel il croyait. La jeune fille qui, ignorant tout, espérait tout, lui apparaissait maintenant comme une étrangère. Encore une fois, il se rendit compte que le mariage n'était pas le séjour dans un port tranquille, mais un voyage hasardeux sur de grandes mers. Le cas de la comtesse Olenska avait troublé en lui de vieilles convictions traditionnelles. Son exclamation « Les femmes doivent être libres, aussi libres que nous » avait touché à la racine d'un problème considéré dans son monde comme inexistant. Il savait que les femmes, bien élevées, si lésées qu'elles fussent dans tous leurs droits, ne revendiqueraient jamais le genre de liberté auquel ils faisaient allusion. Et les hommes se trouvaient, dans la chaleur de l'argumentation, d'autant plus disposés à la leur accorder. De telles générosités verbales n'étaient qu'un plaisant déguisement des inexorables conventions qui réglementaient le milieu où il vivait. Néanmoins, il serait tenu à défendre, chez la cousine de sa fiancée, une liberté que jamais il n'accorderait à sa femme si un jour elle venait à la revendiquer. Le dilemme ne se présenterait évidemment jamais, puisqu'il n'était pas un grand seigneur débauché ni May, une sotte comme la pauvre Gertrude Lafferts. Mais Newland Archer se représentait aisément que le lien entre lui et May pourrait se relâcher pour des raisons plus subtiles, mais non moins profondes. Que savait-il vraiment l'un de l'autre, puisqu'il était de son devoir à lui, en galant homme, de cacher son passé à sa fiancée, et à celle-ci de n'en pas avoir? Qu'arriverait-il si un jour, pour des causes imprévues, il emmenait à ne plus se comprendre, à se lasser, à s'irriter mutuellement? Passant en revue parmi les ménages de ses amis ceux qu'on disait heureux, il n'en trouva pas un qui réalisa même de loin la camaraderie tendre et passionnée qu'il imaginait dans une intimité permanente avec May Welland. Il comprit que cet idéal de bonheur supposerait de sa part, à elle, une expérience, une adaptabilité d'esprit, une liberté de jugement que son éducation lui avait soigneusement refusée. Et il frissonna en songeant qu'un jour leur union, comme tant d'autres, pourrait se réduire à une morne association d'intérêts matériels, soutenu par l'ignorance d'un côté et l'hypocrisie de l'autre. Lawrence Lefferts se présentait à son esprit comme étant le mari qui avait le mieux réussi à tirer de ce genre d'association tous les bénéfices qu'il comportait. Devenu le grand prêtre du bon ton, il avait si bien façonné sa femme à sa convenance que, malgré ses liaisons affichées, elle se plaignait en souriant du puritanisme de Lawrence et baissait pudiquement les yeux quand on faisait allusion devant elle aux deux ménages de Julius Beaufort. Archer se dit qu'il n'était pas un grand imbécile comme Larry Lafferts, ni May une oie blanche comme la pauvre Gertrude. Mais s'ils étaient plus intelligents, ils avaient pourtant les mêmes principes. En réalité, ils vivaient tous dans un monde fictif où personne n'osait envisager la réalité ni même y penser. Ainsi, Mrs. Welland, qui savait parfaitement pourquoi Archer la pressait d'annoncer ses fiançailles chez les Beaufort, et qui n'attendait rien moins du jeune homme, avait fait semblant de s'y opposer et de n'agir que contrainte et forcée. La jeune fille, centre de ce système de mystification soigneusement élaboré, se trouvait être, par sa franchise et sa hardiesse même, une énigme encore plus indéchiffrable. Elle était franche, la pauvre chérie, parce qu'elle n'avait rien à cacher, confiante parce qu'elle n'imaginait pas à avoir à se garder. Et sans autre préparation, elle devait être plongée en une nuit dans ce qu'on appelait les réalités de la vie. Newland était sincèrement, mais paisiblement épris. Il se délectait de la beauté radieuse de sa fiancée, sa santé exubérante, son adresse au tennis et à cheval. Sous sa direction, elle s'était même essayée à la lecture, et déjà elle était assez avancée pour se moquer avec lui de la fade sentimentalité des idylles de Tennyson, mais non pour goûter la beauté d'Ulysse et des lotophages. Elle était droite, fidèle et vaillante, et Archer s'imaginait même qu'elle possédait le sens de l'ironie, puisqu'elle ne manquait jamais de rire à ses plaisanteries. Enfin, il croyait deviner, dans cette nature innocente et fraîche, une ardeur qu'il aurait la joie d'éveiller. Néanmoins, ayant fait pour la centième fois le tour de cette âme succincte, il revint découragé à la pensée que cette pureté factice, si adroitement fabriquée par la conspiration des mères, des tantes, des grands-mères, jusqu'aux lointaines aïeules puritaines, n'exista que pour satisfaire ses goûts personnels, pour qu'il pût exercer sur elle son droit de seigneur, et la briser comme une image de neige. Cette idée lui oppressait le cœur. De telles réflexions étaient sans doute habituelles aux jeunes gens à l'approche de leur mariage. Mais Newland Archer ne ressentait ni la componction, ni l'humilité dont elle s'accompagne souvent. Il n'arrivait pas à déplorer, comme si souvent les héros de Thackeray, et cela l'exaspérait, de n'avoir pas un passé sans tache à offrir à sa fiancée. S'il avait eu la même éducation qu'elle, ils n'eussent pas été plus préparés à affronter les épreuves et les vicissitudes de la vie que deux nouveau-nés. En réalité, hors son plaisir et la satisfaction de sa vanité, il ne pouvait trouver aucune raison valable pour refuser à sa fiancée une liberté d'expérience égale à la sienne. De telles pensées à un tel moment devaient nécessairement lui traverser l'esprit, mais il se rendait compte que leur persistance et leur précision étaient dues à l'arrivée inopportune de la comtesse Olenska. Au moment de ses fiançailles, au moment des pensées pures et des espérances en nuages, il était pris dans les répercussions d'un scandale, et ce scandale soulevait des problèmes sociaux qu'il aurait préféré laisser dormir. « Au diable, cette Helen Olenska » grogna-t-il, recouvrant son feu et se préparant à se coucher. Pourquoi sa destinée serait-elle mêlée à celle de la pauvre Helen? Mais il sentait vaguement qu'il commençait seulement à mesurer les risques du championnage que ses fiançailles lui imposaient. Peu de jours après, l'orage éclata. Les Lovell Mingott devaient donner un dîner de cérémonie pour la nouvelle arrivée, ce qui impliquerait régulièrement trois domestiques d'extra, deux plats pour chaque service et un sorbet avant le rôti. Les invitations portaient en tête pour rencontrer la comtesse Olenska, selon la coutume américaine qui traite les étrangers comme des princes ou tout au moins comme leurs ambassadeurs. Les convives avaient été triés avec un discernement où les initiés pouvaient reconnaître la main résolue de Catherine la Grande. Avec les Selfridge Mary, qui étaient de toutes les fêtes, les Beaufort avec lesquels il y avait un lien de cousinage, Mr. Jackson et sa sœur Sophie, qui se rendaient toujours là où son frère le désirait, Mrs. Lovell avait invité quelques jeunes ménages des plus élégants et des plus corrects, tels que les Lawrence Lefferts, Mrs. Rushworth Lefferts, la jolie veuve, les Harry Thorley, les Reggie Chivers, et le jeune Maurice Dagonet et sa femme, née Van der Luyden. Les invités étaient parfaitement assortis, tous faisant partie de la même bande qui, pendant la longue saison d'hiver, dînait et dansait ensemble inlassablement. 48 heures après que les invitations furent lancées, on sut que tout le monde avait refusé. Seuls les Beaufort, le vieux Sillerton Jackson et sa sœur acceptaient. L'affront s'aggravait du fait que les Reggie Chivers, eux-mêmes apparentés aux Mingott, y participaient. Et aussi, de la forme identique des réponses qui exprimaient les regrets des invités sans alléguer d'engagement antérieur. La société de New York était alors trop restreinte pour que tout le monde, y compris les cochers, les maîtres d'hôtel et les cuisiniers, ne sut pas exactement quel soir chacun était libre. Les invités de Mrs. Mingott pouvaient donc rendre cruellement nette leur volonté de ne pas rencontrer la comtesse Olenska. Le coup était inattendu, mais les Mingott, selon leur habitude, le reçurent sans broncher. Mrs. Lovell Mingott en dit un mot à Mrs. Welland, qui en parla à Newland Archer, lequel, furieux, s'adressa immédiatement à sa mère. Celle-ci, après un mouvement de résistance secrète, céda, comme toujours, aux instances de son fils, et embrassant aussitôt sa cause avec d'autant plus d'énergie qu'elle avait d'abord hésité, mit son chapeau à bride de velours gris et déclara « Je vais aller voir Louis van der Luyden. » Dans la genèse de Newland Archer, la société de New York pouvait être comparée à une petite pyramide solide et glissante. Aucune fissure apparente ne s'était encore produite. La base, formée par ce que Mrs. Archer appelait des gens modestes, se composait d'une majorité de familles honorables, telles que les Spicer, les Lefferts, les Jackson, qui s'étaient élevés au-dessus de leur milieu par des alliances avec les clans dirigeants. Mrs. Archer l'affirmait souvent. On n'était plus aussi difficile qu'autrefois, et avec la vieille Catherine tenant un bout de la 5e avenue et Julius Beaufort l'autre, on avait perdu le respect des anciennes traditions. Sur ses fondements solides, mais sans éclat, la pyramide s'élevait en diminuant vers le sommet, composée d'un bloc compact et brillant, représenté par le groupe des Newland, Mingott, Chivers et Manson. Beaucoup de gens croyaient que ces familles atteignaient le sommet de la pyramide, mais elles-mêmes, au moins les personnes de la génération de Mrs. Archer, savaient qu'aux yeux d'un généalogiste sévère, un petit nombre de privilégiés pouvaient seuls prétendre à cette éminence. « Ne me parlez pas, disait Mrs. Archer à ses enfants, de ce que disent les journalistes sur l'aristocratie de New York. S'il en est une, ni les Manson, ni les Mingott n'en sont, pas plus que les Newland et les Chivers. Nos grands-pères et nos arrière-grands-pères n'étaient que de respectables commerçants anglais et hollandais, venus aux colonies pour faire fortune, et qui réussirent au-delà de leurs espérances. Il est vrai qu'un de vos arrière-grands-pères a signé la déclaration de l'indépendance et qu'un autre, général dans l'état-major de Washington, a reçu l'épée du général Burgoyne après la bataille de Saratoga. Ce sont là des distinctions dont on peut être fier, mais qui n'ont rien à voir avec le rang et la classe. New York a toujours été une communauté commerciale où trois familles à peine peuvent se réclamer d'une origine aristocratique dans le sens réel du mot. Tout le monde savait quels étaient ces privilégiés. Les Dagonet de Washington Square, qui descendaient d'une vieille famille anglaise alliée aux Fox, les Lanning, qui s'étaient entre-alliés avec les descendants du comte de Grasse, et les Van der Luyden, descendants directs du premier gouverneur hollandais de New York et apparentés depuis plusieurs générations aux aristocraties françaises et anglaises. Les Lanning n'étaient plus représentés que par deux vieilles demoiselles. Heureuses parmi leurs souvenirs du passé, elles vivaient entourées de portraits de famille et de solides meubles en acajou du XVIIIe siècle. Les Dagonet formaient un clan considérable, allié aux familles les plus honorables de Baltimore et de Philadelphie. Mais les Van der Luyden, qui étaient au-dessus de tous, disparaissaient dans une sorte de pénombre ultra-terrestre, d'où seuls émergeaient les deux figures de Mr. et de Mrs. Henry Van der Luyden. Mrs. Henry Van der Luyden était née Louisa Dagonet. Sa mère avait été la petite-fille du colonel du Lac, d'une ancienne famille de l'île de Jersey. Après s'être battu sous Cornwallis, il s'était fixé, la guerre finie, dans le Maryland avec sa jeune femme Lady Angelica Trevena, 5e fille du Earl de Saint-Austrey. Les liens de famille entre les Dagonet et les Dulac, et leurs aristocratiques parents gallois, étaient toujours restés étroits et cordiaux. Mr. et Mrs. Van der Luyden avaient séjourné plus d'une fois chez le duc de Saint-Austrey, chef de la famille, dans sa propriété du pays de Galles, et le duc avait souvent manifesté l'intention de leur rendre leur visite, sans la duchesse, qui redoutait la traversée. Mr. et Mrs. Van der Luyden partageaient leur temps entre Trevena, leur terre dans le Maryland, et le Squeetocliff, leur grand domaine sur l'Hudson. Ce domaine avait été accordé par le gouvernement hollandais au premier gouverneur de la colonie, en récompense de ses services, et Mr. Van der Luyden portait encore le titre de « patroon », titre comprenant des droits seigneuriaux et qui avait été conféré par la Compagnie de colonisation néerlandaise vers le milieu du XVIIe siècle au premier propriétaire sur l'Hudson. Le pompeux hôtel des Van der Luyden dans Madison Avenue n'était que rarement habité et ne s'ouvrait qu'aux intimes pendant leurs brèves apparitions à New York. « Je voudrais que tu m'accompagnes, Newland, » lui dit tout à coup sa mère au moment de monter dans le coupé Brown. « Louisa a beaucoup d'affection pour toi, Et puis c'est à cause de May que je fais cette démarche. Si nous ne nous tournons pas entre nous, c'est l'effondrement de la société.